Alfred de Musset, La nuit de décembre. Lu par Églantine pour audiocité.net. Le poète. Du temps que j'étais écolier, je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire. Devant ma table vint s'asseoir un pauvre enfant vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Son visage était triste et beau. À la lueur de mon flambeau, dans mon livre ouvert, il vint lire. Il pencha son front sur sa main et resta jusqu'au lendemain, pensif, avec un doux sourire. Comme j'allais avoir 15 ans, je marchais un jour à pas lents dans un bois sur une bruyère. Au pied d'un arbre vint s'asseoir un jeune homme vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Je lui demandai mon chemin. Il tenait un luth d'une main, de l'autre un bouquet d'églantines. Il me fit un salut d'ami et, se détournant à demi, me montra du doigt la colline. À l'âge où l'on croit à l'amour, j'étais seul dans ma chambre un jour, pleurant ma première misère. Au coin de mon feu vint s'asseoir un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Il était morne et soucieux. D'une main il montrait les cieux et de l'autre il tenait un glaive. De ma peine il semblait souffrir, mais il ne poussa qu'un soupir et s'évanouit comme un rêve. À l'âge où l'on est libertin, pour boire un toast en un festin, un jour je soulevai mon verre. En face de moi vint s'asseoir un convive vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Il secouait sur son manteau un haillon de pourpre en lambeaux, sur sa tête un myrte stérile. Son bras maigre cherchait le mien, et mon verre en touchant le sien se brisa dans ma main débile. Un an après, il était nuit. J'étais à genoux près du lit où venait de mourir mon père. Au chevet du lit vint s'asseoir un orphelin vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Ses yeux étaient noyés de pleurs. Comme les anges de douleur, il était couronné d'épines. Son luth à terre était gisant, sa pourpre de couleur de sang et son glaive dans sa poitrine. Je m'en suis si bien souvenu que je l'ai toujours reconnu à tous les instants de ma vie. C'est une étrange vision. Et cependant, ange ou démon, j'ai vu partout cette ombre amie. Lorsque plus tard, las de souffrir, pour renaître ou pour en finir, j'ai voulu m'exiler de France. Lorsqu'impatient de marcher, j'ai voulu partir et chercher les vestiges d'une espérance, à Pise, au pied de l'Apennin, à Cologne, en face du Rhin, à Nice, au penchant des vallées, à Florence, au fond des palais, à Brigue, dans les vieux chalets, au sein des Alpes désolées, à Gênes, sous les citronniers, à Vevey, sous les verts pommiers, au Havre, devant l'Atlantique, à Venise, à l'affreux Lido, où vient sur l'herbe d'un tombeau mourir la pâle Adriatique, partout où, sous ces vastes cieux, j'ai lassé mon cœur et mes yeux saignant d'une éternelle plaie, partout où le boiteux ennui, traînant ma fatigue après lui, m'a promené sur une claie, partout où, sans cesse altéré de la soif d'un monde ignoré, j'ai suivi l'ombre de mes songes. Partout où, sans avoir vécu, j'ai revu ce que j'avais vu, la face humaine et ses mensonges. Partout où, le long des chemins, j'ai posé mon front dans mes mains et sangloté comme une femme. Partout où j'ai, comme un mouton qui laisse sa laine au buisson, senti se dénuder mon âme. Partout où j'ai voulu dormir, partout où j'ai voulu mourir, partout où j'ai touché la terre, sur ma route est venu s'asseoir un malheureux vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Qui donc es-tu, toi, que dans cette vie je vois toujours sur mon chemin? Je ne puis croire à ta mélancolie que tu sois mon mauvais destin. Ton sourire a trop de patience, tes larmes ont trop de pitié. En te voyant, j'aime la providence. Ta douleur même est sœur de ma souffrance, elle ressemble à l'amitié. Qui donc es-tu? Tu n'es pas mon bon ange, jamais tu ne viens m'avertir. Tu vois mes maux, c'est une chose étrange, et tu me regardes souffrir. Depuis 20 ans, tu marches dans ma voie, et je ne saurais t'appeler. Qui donc es-tu si c'est Dieu qui t'envoie? Tu me souris sans partager ma joie, tu me plains sans me consoler. Ce soir encore, je t'ai vu m'apparaître. C'était par une triste nuit. L'aile des vents battait à ma fenêtre. J'étais seul, courbé sur mon lit. J'y regardais une place chérie, tiède encore d'un baiser brûlant. Et je songeais comme la femme oublie. Et je sentais un lambeau de ma vie qui se déchirait lentement. Je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout ce passé me criait à l'oreille ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, larmes du cœur par le cœur dévorées, et que les yeux qui les avaient pleurées ne reconnaîtront plus demain. J'enveloppais dans un morceau de bure ces ruines des jours heureux. Je me disais qu'ici-bas ce qui dure, c'est une mèche de cheveux. Comme un plongeur dans une mer profonde, je me perdais dans tant d'oublis, de tous côtés j'y retournais la sonde, et je pleurais seul, loin des yeux du monde, mon pauvre amour enseveli. J'allais poser le seau de cire noire sur ce fragile et cher trésor. J'allais le rendre, et n'y pouvant pas croire, en pleurant j'en doutais encore. Ah, faible femme, orgueilleuse insensée, malgré toi tu t'en souviendras. Pourquoi, grand Dieu, mentir à sa pensée? Pourquoi ces pleurs, cette gorge oppressée, ces sanglots, si tu ne m'aimais pas? Oui, tu languis, tu souffres et tu pleures, mais ta chimère est entre nous. Eh bien, adieu, vous compterez les heures qui me sépareront de vous. Partez, partez, et dans ce cœur de glace, emportez l'orgueil satisfait. Je sens encore le mien jeune et vivace, et bien des mots pourront y trouver place sur le mal que vous m'avez fait. Partez, partez! La nature immortelle n'a pas tout voulu vous donner. Ah, pauvre enfant, qui voulez être belle et ne savez pas pardonner. Allez, allez, suivez la destinée. Qui vous perd n'a pas tout perdu. Jetez au vent notre amour consumé. Éternel Dieu, toi que j'ai tant aimé, si tu pars, pourquoi m'aimes-tu? Mais tout à coup, j'ai vu dans la nuit sombre une forme glisser sans bruit. Sur mon rideau, j'ai vu passer une ombre. Elle vient s'asseoir sur mon lit. Qui donc es-tu, morne et pâle visage, sombre portrait vêtu de noir? Que me veux-tu, triste oiseau de passage? Est-ce un vain rêve? Est-ce ma propre image que j'aperçois dans ce miroir? Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse, pèlerin que rien n'a lassé? Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse assis dans l'ombre où j'ai passé. Qui donc es-tu, visiteur solitaire, hôte assidu de mes douleurs? Qu'as-tu donc fait pour me suivre sur terre? Qui donc es-tu? Qui donc es-tu, mon frère, qui n'apparaît qu'au jour des pleurs? La vision. ami, notre père est le tien. Je ne suis ni l'ange gardien, ni le mauvais destin des hommes. Ce que j'aime, je ne sais pas de quel côté s'en vont leurs pas sur ce peu de fange où nous sommes. Je ne suis ni Dieu ni démon, et tu m'as nommé par mon nom quand tu m'as appelé ton frère. Où tu vas, j'y serai toujours, jusqu'au dernier de tes jours où j'irai m'asseoir sur ta pierre. Le ciel m'a confié ton cœur. Quand tu seras dans la douleur, viens à moi sans inquiétude. Je te suivrai sur le chemin, mais je ne puis toucher ta main. Ami, je suis la solitude.